ce soir, Manu Chao en Sibérie, avec la force et l'enthousiasme. Boulevard Brune, il est minuit, elle était blonde et si jolie, comme si la brume s'était posée sur mon regard, sous les pleins phares, petite blonde du boulevard Brune. Je t'allume et je te fume, le long du quart de la police, au coin du square, tu ne dis rien, quel est ton nom, je ne sais pas, où est-ce que tu vas, je ne sais plus, petite blonde du boulevard Brune, je t'allume et je te fume. Petite blonde du boulevard Brune, je t'allume et je te fume, au coin du square, ma jolie blonde, le long du car, il est minuit, je te regarde, tu te consumes, le long du car de la police, où est-ce que tu vas, où est-ce que t'étais, je ne sais pas, on ne dit rien, petite blonde du boulevard Brune, je t'allume et je te fume, au coin du square, sous les pleins phares, je te confie mon amertume. Les chiens ont soif, les pigeons volent, la marée pleine des chiffres d'or, il pleut des larmes de crocodile, la vie est belle, le monde pourri. Les chiens ont soif, les pigeons volent, la marée pleine des chiffres d'or, il pleut des larmes de crocodile, la vie est belle, le monde pourri. Les chiens ont soif, les pigeons volent, nous sommes dans un monde pourri. Et dans ce monde pourri, les chiens ont soif, les pigeons volent, il n'y a que des méchants. Il y a plus de problèmes que de justice. Paris le jour, Paris la nuit, Paris les flics, Paris puni. Petite blonde du boulevard Brune, dans la fumée mon infortune. Au coin du square, je te dis bien, au coin du square, viens donc enfin. Petit mégot sous ma semelle, petite blonde du boulevard Brune. Petit mégot sous ma semelle et les képis qui m'importunent. Encore une fois, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu vas? Rien dans les poches, la nuit est moche, je ne sais pas, je ne dis rien. Boulevard Brune, il est minuit, elle était blonde et si jolie, petite blonde du boulevard Brune. Nous sommes dans un monde. Les chiens ont soif, les pigeons volent, la marée pleine des chiffres d'or, il pleut des larmes de crocodile, la vie est belle, le monde pourri. Les chiens ont soif, les pigeons volent, la marée pleine d'infortune, il pleut des larmes de crocodile, la vie est belle, le monde pourri. Les chiens ont soif, les pigeons volent. Les chiens ont soif, les pigeons volent. Les chiens ont soif, les pigeons volent. Les chiens ont soif, les pigeons volent. Les chiens ont soif, les pigeons volent.